Radiomatic. Pour amorcer la transmission 476 d'Audiomatique, les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique du défunt groupe anglais Talk Talk, de son troisième album intitulé The Color of Spring et paru en 1986. Nous vous avons fait jouer la chanson Time, It's Time. Et c'est Jack Dangers qui amorce sans tarder la prochaine séquence musicale. toasted. Nicely toasted. Magic dog, science dog, voodoo dog, warrior dog, name whatever dog you need, I make it for you. Explosion! Explosion! I like it, I like it. Nicely toasted, toasted, toasted. Toasted. Nicely toasted, toasted. Cristales, tengo mis cuadernos, tengo mis detalles, tantos gusanitos disfrazados de animales. Mejor me comeré yo misma que si pierdo mis cabales. Humana ante todo, de barro y de lodo, de cualquier modo mi apodo me marca del todo, ¿no? Yo tengo mi cadena, tú tienes tu condena, solo falta la sirena. 4, 3, 2, 1. La nueva condena, una cadena que envenena hasta las venas, que solo llena la pena, nada la quema, solo te suena y desencadenan una nueva condena. La nueva condena, una cadena que envenena hasta las venas, que solo llena la pena, nada la quema, solo te suena y desencadenan una nueva condena. La nueva condena. ¿Tú sabías que el castigo castiga? Que los pajaritos matan si necesitan la miririga. A ver, no pensarás tú que lamerán tu herida. Es cosa de tiempo y a veces romperá la viga. Dime con quién andas, te diré si no te mueves. La puerta está cerrada, ábrela solo si puedes. Tengo un cálculo calzado tan colmado y desquiciado que han colgado, que han cerca ahora miro yo de lado. Quítate la máscara, la cara descascara. Cada escama es una caja que encaja en la redada. Ana, yo tengo mi cadena, tú tienes tu condena, ahora suena la sirena. 4, 3, 2, 1. La nueva condena, una cadena que envenena hasta las venas, que solo llena la pena, nada la quema, solo te suena y desencadenan una nueva condena. La nueva condena, una cadena que envenena hasta las venas, que solo llena la pena, nada la quema, solo te suena y desencadenan una nueva condena. Nueva condena. ¿Cómo te suena? La nueva Venons d'écouter le projet Foex et sa pièce intitulée Volade, qui est tirée de son album de Madeira. Avant Foex, c'était l'artiste Anatihu et sa composition La Nueva Condena, apparaissant sur l'album 1977, paru en 2009. Et pour amorcer la séquence, c'était Jack Dangers, pseudonyme du compositeur John Stephen Corrigan, qui est aussi connu pour être le cerveau derrière le groupe Meat Beat Manifesto. De l'album Hello Friends de Jack Dangers, nous écoutions une combinaison des pièces D.U.B. Dub et Toasted Dub. À Audiomatique, nous poursuivons cette fois avec la formation anglaise O-Rang. Il s'agissait à Audiomatic de la formation anglaise O-Rang, qui a été fondée en 1992 par Lee Harris et Paul Webb, respectivement l'ex-batteur et l'ex-bassiste de la formation Talk Talk. Du premier album de O-Rang intitulé Herd of Instinct et lancé en 1994, nous vous avons présenté la pièce O-Rang, à laquelle a contribué, entre autres, Beth Gibbons, chanteuse de Portishead. Soulignons que Beth Gibbons et Paul Webb ont créé l'album Out of Season en 2002. Audiomatic se poursuit maintenant sur la musique de l'artiste espagnol Ruben Montesco. We'll be right back.

Audiomatique, nous venons d'écouter le LG Vela Dance Mix de la pièce Headspin, originellement composée par la formation Collide. Ce remix se retrouve sur l'album double Bent and Broken, alors que la version originale peut se trouver sur le disque Two-Headed Monster. Avant cela, nous écoutions le projet Out Out et la pièce By Wick or Wing tirée de l'album Swan Dive qui est paru en 2016. Et on amorçait la séquence avec Ruben Montesco et sa pièce Trip to the Moon parue sur le Therapia EP publié en 2018. En conclusion de cette transmission 476 d'Audiomatique, nous avons décidé de vous faire entendre la musique de l'artiste anglais Mark Hollis, qui était le chanteur et compositeur du groupe Talk Talk, de son seul album solo qui est homonyme et qui est sorti en 1998. Nous entendrons la pièce The Daily Planet. Rappelons que Mark Hollis est décédé en 2019 des suites d'un cancer. Soyez prêts pour la transmission 477 d'Audiomatique qui se matérialisera mercredi prochain dès 17h et se dématérialisera ensuite dans les univers numériques pour prendre place dans nos archives, dont une des portes d'entrée principales s'ouvre en un clic sur notre profil facebook.com/audiomatique-cfou. Voici donc Mark Hollis et la chanson « The Daily Planet ». C'était Audiomatique avec les sonoristes. Thank you. should have